cursus scolaire jusqu'au bac. Et puis ensuite, je me suis dit, bah, ce serait intéressant d'aller un peu plus loin. J'avais déjà à l'époque une passion pour la musique de film. Et je me suis dit, bah, quel endroit, où est-ce que je dois aller pour pouvoir en faire professionnellement. Et donc, je me suis dirigé vers le Conservatoire de Bordeaux. Conservatoire où j'ai étudié le saxophone, la formation musicale, l'écriture, enfin plein de choses diverses et variées. Et au bout de 5 ans, j'ai fini mon cursus à Bordeaux. Je suis, sur les conseils de mon professeur d'écriture de l'époque, je suis venu à Saint-Maur-des-Fossés. J'ai passé 1 an, puis je suis rentré au Conservatoire de Paris, où j'ai étudié 3 ans l'écriture musicale. Mais voilà. Conservatoire de Bordeaux, tu dis que tu étais intéressé par la musique de film. Il y avait quelque chose de précis sur la musique de film ? Non, en fait, il y a très peu de formations centrées sur la musique à l'image. Il y en a 4-5 en France, et la plus complète, hein, se trouve au CNSM de Lyon, mais ça je l'ai su beaucoup plus tard. je pars quand même d'une époque où Internet commençait à peine, hein, au milieu, fin des années 90, si oui. mais c'est vrai qu'à l'époque déjà c'était difficile pour se documenter et savoir vraiment quelles étaient les filières, et c'est toujours assez difficile parce que c'est quand même deux milieux qui sont très séparés, très cloisonnés. Le monde de la musique s'intéresse pas trop au cinéma et le monde du cinéma s'intéresse pas trop à la musique. Du coup, il n'y a pas trop de passerelles en fait entre les deux. Et c'est délicat. C'est quand même fou. Oui, c'est fou, ouais. On va voir au niveau de l'animation, la musique et le son en général, parce qu'il n'y a pas que la musique, mais le son, le travail entre les deux est important. Mais dans le cinéma, enfin, en général, il y a des grands, grands noms aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils n'ont jamais été... vous avez entendu au tout début, j'ai oublié de le dire dans la précipitation, le début du générique est d'un monsieur qui s'appelle Tolo Takemitsu, un compositeur japonais. C'était la musique de Pluie Noire de Shoei Mamura, qui avait eu la Palme d'Or à l'époque, si je ne dis pas de bêtises. Et j'en ai peut-être une. Non, il n'avait pas eu la Palme d'Or. Il a eu 2 fois la Palme d'Or, Imamura, qui est l'anguille. Et la balade de Narayama, mais pas pour Pluie Noire. Mais Tolo Takemitsu a fait pourtant beaucoup de musique de film. Et est-ce qu'il n'est pas pris plus au sérieux par son côté musicien contemporain dans la musique que sa musique de film? Ça, c'est fort possible, oui. Alors que bon, il y a des grands noms, Bernard Herrmann, enfin bon, maintenant John Williams, c'est des gens récents. Je trouve ça étonnant que dans... Voilà, qu'il n'y ait pas plus de, comme tu dis, de passerelles. Non, je pense qu'on a quand même des restes de l'avant-garde des années 50, qui a vraiment pris la musique de film pour quelque chose de... Comme c'était relié à un art assez populaire, c'était sale, c'était vulgaire, ouais, c'était facile, c'était les gros sous, c'était... Donc du coup, les gens purs, les gens qui vraiment voulaient vraiment faire de la musique sérieusement, ils ne touchaient pas à ça. Surtout pas. Ouais. Donc je pense qu'on a encore des restes de ça. Et finalement, en France, on a assez peu de compositeurs qui ont une carrière parallèle en musique de film, en musique de concert, on va dire. On voit surtout des gens qui viennent du milieu de la variété se diriger vers la musique de film. Ça a l'air d'être une passerelle plus naturelle en France, je pense. Ce qui fait que quand on fait des études de musique, on est un peu perdu. Hein, quand on se dit, c'est où ? Faut sonner à quelle porte ? Faut aller voir qui ? Quand on veut faire de la musique de film. Et alors ? Alors moi j'ai pas de réponse, hein, j'ai juste essayé. Toi, t'as fait quoi ? En fait, j'ai répondu à une petite annonce, Sinistra d'Extra, c'était une petite annonce qui était que Marion Arbonnat avait mise et j'étais le seul à répondre. J'ai pas eu trop de mérite à travailler dessus, puisque voilà. Et puis ensuite ça s'est enchaîné, j'ai fait celui de Marion, et elle avait une collègue dans sa promotion, Stéphanie Cazantre, qui cherchait un compositeur. Et donc du coup, comme Stéphanie a vu ce que je faisais sur le film de Marion, elle m'a demandé de travailler sur le sien. Ce qui m'épate, c'est que déjà, donc, musique de film, ce qui est pas évident, tu viens de nous le dire, pour quand on fait des études d'écriture musique, musicologie, etc., c'est pas évident de tomber là-dedans. Et en animation, qu'est-ce que tu, avant de composer, qu'est-ce que tu connaissais du cinéma d'animation, à part peut-être comme tout le monde, hein, et moi le premier, quand on commence à les le Disney, cinéma les Pixar, Disney, choses, voilà, c'est ça. Tu connaissais autre chose ou non, c'était vraiment non. Un univers nouveau pour toi? C'était assez nouveau, oui. C'était assez nouveau. J'avoue que j'étais très intéressé par cet univers-là. D'abord parce qu'il laisse beaucoup de place à la musique, et ça j'ai pu me rendre compte en travaillant dessus. Euh, mais, euh, mais c'est, ça avait l'air passionnant. Ça avait l'air, mais c'est pas un choix prédéterminé. Je pense que j'aurais eu, on m'aurait proposé un court métrage de fiction en prise de vue réelle, oui, ou un documentaire. J'aurais foncé tout pareil. Et là, t'as foncé. Il n'y a pas eu un moment donné pas d'inquiétude, parce qu'en plus, j'en ai parlé déjà ici, Sinistra d'Extra. C'est un film un peu particulier. Enfin, qui pour ceux qui connaissent visuellement, comme je disais à Marion que j'ai rencontré, ça faisait très. Pour moi, années 70, on a l'impression d'être chez Papa Lalou dans le graphisme. Mais c'est vrai que c'est un monsieur qui, d'un seul coup, est un marionnettiste, hein, et sa main gauche. Voilà. Donc, d'un seul coup, se rebelle et vient. Et c'est quelque chose d'assez particulier, même dans le graphisme. Oui. Oui. C'était une évidence. Enfin, t'as même pas réfléchi du tout en se disant, est-ce que je peux vraiment le faire? Est-ce que je vais... Ah non, pas du tout. Alors, j'ai foncé. je me suis pas posé la question. Pour moi, c'était vraiment l'opportunité de travailler sur sur des images. Hein, et encore mieux, c'était pas un ciné-concert. C'était pas prendre une œuvre de pas que je n'ai absolument rien contre les ciné-concerts, mais là on participait à la création de la de l'œuvre en tant qu'auteur. On apportait ses capacités d'auteur pour un film qui a englobé à la fois le travail de Marion, le mien, celui des musiciens, de l'ingénieur du son. C'était passionnant. Et non, pas à aucun moment je me suis demandé si c'était dangereux de faire ça. Comment, alors au-delà de la dangerosité, justement, comment on travaille avec quelqu'un on connaît peu l'animation, voilà, mais on a envie de rentrer dedans. Comment on travaille en accord avec quelqu'un qui est une étudiante, qui elle aussi débute? C'est pas évident quand on a un professionnel qui dit je veux ça. Comment ça se passe le travail? Sur ce premier, on verra l'évolution avec les nombreux que tu fais aujourd'hui, mais déjà ce premier. D'abord, j'ai tenu à rencontrer Marion, à ce qu'on discute beaucoup avant de se lancer vraiment dans la composition. Je voulais comprendre l'univers musical qu'elle cherchait. Et elle m'a donné deux noms, Bartók et Berlioz. Et donc Bartók, un compositeur du début du XXe siècle, Berlioz, un compositeur de la seconde moitié du XXe siècle. Donc j'avais compris qu'elle voulait quelque chose d'assez dissonant, quelque chose d'assez âpre. Et en plus, En voyant les premières images du film, je me suis dit, une petite formation instrumentale, ça doit très bien fonctionner. Donc avec Dominique, on en a discuté, on est parti sur l'idée d'un quatuor à cordes, auquel on rajouterait une flûte et un piano. Et pour avoir un peu de contraste suivant les situations. Et Marion était tout à fait d'accord. Et voilà, je me rappelle, j'ai un souvenir très émouvant de la session d'enregistrement où je la sentais dans la salle et était heureuse de voir la musique se créer sous ses yeux. Quand tu dis les premières images, t'es arrivé à quel moment du film, tu te rappelles? Ça remonte. Mais c'était de la 2D, donc elle avait... tout n'était pas finalisé. Le personnage bougeait de manière assez brusque. C'était pas encore fluide au niveau de l'animation, mais tout le film était là. Donc j'avais une vision assez... 2005, un Sinistra d'Extra. Donc voilà, 2004, t'es arrivé sur le projet? Non, c'est vraiment non, 2005. Non, 2005, oui. D'accord. En janvier, je crois. Voilà, on l'a enregistré, en février-mars. Le temps de le mixer, c'était prêt pour juin. Mais à l'époque, l'ANSAD donnait un petit peu plus de temps aux réalisateurs pour qu'ils finissent bien leur film, parce qu'ils étaient jamais, ils débordaient toujours. Oui. Donc elle l'a vraiment fini, je crois, en décembre 2005. Et d'ailleurs, elle avait changé plus ou moins à la fin. Donc on avait réenregistré un petit bout pour coller, puis finalement elle est revenue à une version plus... elle a hésité pendant un moment sur la fin du film. D'ailleurs, je me rappelle que sur la fin, j'avais bataillé pour qu'il n'y ait pas de musique, parce que je trouvais la dernière séquence très forte, et j'avais dit pas de musique dessus, tes images sont déjà très fortes. Et j'étais pas là au mixage, et en fait, elle a pris une musique qui était à un autre endroit qu'elle a placée dessus. Donc je l'ai découvert à la projection, et c'est vrai que ça fonctionnait bien. C'est difficile, ça, comme le rapport entre, encore une fois, parce que tu débutais, oui. À la fois, c'est peut-être plus agréable, d'ailleurs, tu débutais, elle débutait, donc il y avait un vrai échange entre vous deux, ou c'est vraiment, c'est quand même assez compliqué? Non, c'était pas compliqué du tout. Avec Marion, ça a été vraiment très simple. En fait, je pour en avoir discuté avec des compositeurs beaucoup plus expérimentés que moi et plus âgés, je crois pas que ça, ce soit lié, en fait, l'expérience... du réalisateur, je ne pense pas que ce soit ça rende la collaboration plus aisée. Je ne pense pas que les vieux réalisateurs soient plus faciles de travailler avec eux qu'avec les jeunes. Je ne pense pas. Alors, autre, parce que j'aime bien, on va commencer avec ces deux films-là. Il y en a tellement d'autres après, mais on va parler de ceux du Bocal, puisque c'est de Stéphanie Kazan que j'aime beaucoup aussi. C'est là où la première fois où j'ai vu ton nom, plus deux fois, la même année. Donc forcément, on se dit d'un seul coup, tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est passé avec elle? En moins en détail, peut-être, mais pas... Très simplement, à peu près de la même manière qu'avec Marion. Il a fallu trouver en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a des gros problèmes. Elle a un rapport à l'hygiène qui est assez maniaque. Donc, elle voyait des microbes partout. Donc, en discutant avec Stéphanie, j'ai essayé de savoir ce qu'elle cherchait en termes de son. Et on est parti sur l'idée d'un quatuor à cordes encore. Mais cette fois, ajouter un vibraphone. Elle ne connaissait pas du tout l'instrument, mais elle m'avait décrit une certaine douceur qu'elle voulait pour la fin du film. Et quand elle a entendu le son de l'instrument, elle m'a dit « C'est exactement ce que je voulais, donc je suis très content. C'était un petit peu un coup comme ça, on va tester et puis ça a bien marché. Donc c'est quoi ce niveau-là? C'est tu proposes en fait des petites maquettes, des petites choses, comment ça se passe? Je fais des petites maquettes que je fais écouter aux différents réalisateurs en leur donnant un time code. Je construis quand même ma synchronisation à l'image de manière à ce que ce soit très précis et afin que ça donne une idée précise justement de ce que va donner l'enregistrement. Après, c'est sur la qualité des sons qu'au début c'était très très difficile parce que j'avais pas le matériel pour faire écouter dans de bonnes conditions. Et donc là, ce qui est important sur ces premiers courts-métrages, c'est que les réalisateurs m'ont fait confiance et ça, c'est même jusqu'au dernier, c'est l'élément le plus important, la confiance, parce que c'est ce qui permet à un compositeur de donner le meilleur de lui-même. Des réalisateurs qui doutent de votre compétence, qui font des castings, ça existe, des castings sur des courts-métrages étudiants, parfois on n'est même pas au courant qu'il y a un casting. Ça, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas, on sait pas où on va. Les réalisateurs pensent qu'en ayant plusieurs compositeurs, ils vont avoir plein de solutions et qu'ils pourront choisir la meilleure. On parlera après, on lancera. Je voulais lancer lors de cette émission-là et puis ça n'a pas été possible. On lancera un débat et on en parlera de toute façon enfin sur le problème des droits et sur le problème des films d'étudiants qui se posent aujourd'hui. Oui. Mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est aussi la prise en compte de l'angoisse d'un étudiant qui finit son premier film quelque part. Et donc, parfois son seul film. Son seul film, en effet. Je pense que ça rentre aussi en ligne de compte. Ce qui est formidable avec les écoles d'animation en France, c'est que le résultat est bluffant. En termes de qualité, enfin, tout le monde le dit, mais c'est vrai qu'on a des écoles qui sont extrêmement performantes, que ce soit sur le plan technique, sur le plan scénaristique. Il y a vraiment des choses très bien. Et en même temps, on a ces choses très bien parce que les étudiants donnent le meilleur d'eux-mêmes. Vraiment, ils se défoncent pour avoir suivi des productions de courts-métrages d'étudiants sur une année. J'ai souvent vu les réalisateurs étudiants très motivés en début d'année arriver à la fin de l'année avec des cernes de 5 cm sous les yeux, pas dormi depuis un mois, à devoir prendre des décisions qui sont très importantes sur le film, surtout à la fin où on commence à avoir le mixage qui arrive. Ce qui fait que parfois, ils ont des décisions très importantes, ils sont fatigués. Parfois, ils ont leur professeur qui ne les aide pas forcément, qui leur mettent encore plus de pression. Et c'est difficile parce qu'ils savent que c'est leur carte d'entrée dans le monde professionnel. Donc, s'ils se ratent là-dessus, ils savent que alors, c'est ce qu'ils vont montrer à leur entretien d'embauche quand même. Et ils ont besoin de, ils ont besoin de trouver du travail rapidement parce que les écoles coûtent quand même cher. Il faut le dire. Beaucoup coûte cher. Alors, une question que je voulais poser bien plus tard, mais puisque ça tombe là-dessus, est-ce que on a un vrai vrai déficit, dans, à mon avis, dans toutes les écoles de cinéma, mais là, on parle de cinéma d'animation, sur le son. Il y a très peu. Est-ce que oui, tout à fait. Toi, il n'y a pas une envie, à un moment donné, de, c'est peut-être pas du tout ce que tu as envie de faire, de travailler à un moment donné plus en amont. Il y a peut-être moins ces angoisses, finalement, de son, si on leur expliquait... Il y a quelques écoles qui ont des enseignants en son. Ce que je reproche à ça, c'est donc soit il n'y a aucun enseignement au niveau du son, ce qui est assez catastrophique, soit il y a un enseignement au niveau du son, mais dans le son, on va tout mettre, c'est-à-dire le sound design, la voix, la musique, les bruitages, comme si un seul enseignant pouvait... apprendre tout ça. Alors, il y a des gens qui sont capables de faire ça. Je pense à mes amis Yann Volsi et Christophe Héral, qui sont des artistes complets, qui sont capables de vous faire une prise de son, de vous composer la musique, de l'enregistrer, de mixer le tout en 5 points. C'est admirable. Et d'ailleurs, ils interviennent à l'école de la Poudrière. La chose, c'est souvent, c'est des gens, il y en a aussi au Canada, il y en a aussi, c'est des gens qui sont là depuis... Oui, bien sûr. Très très longtemps et dans l'animation, et donc on peut être englober ça au fur et à mesure aussi. Oui, bien sûr. Mais souvent, on ne délivre soit j'ai quelques doutes sur les compétences des enseignants. Je c'est pas du tout agressif de ma part, mais je l'ai expérimenté. Quand vous arrivez à une projection et que vous avez votre film qui est mixé en mono et qu'on vous dit vous comprenez, c'est pour les festivals, le type qui branche les fils, il peut inverser droite-gauche, c'est gênant, vaut mieux le mettre en mono. Mais attendez, j'ai enregistré des musiciens, j'ai fait un mixage, j'ai fait en stéréo, bon, c'est pas la pointe de la technologie, mais quand même, au moins que le résultat sonore soit agréable. Donc, on a ce genre de problème, ouais. Et en plus, on demande à ces personnes d'enseigner tout sur un nombre d'heures qui est ridicule, okay, ouais, c'est vrai. Qui est souvent ridicule. Je veux pas faire de généralité, mais ça m'est arrivé, oui, de travailler avec des écoles comme ça, et c'est difficile parce que en tant que compositeur, finalement, on se retrouve avec une charge pédagogique qui est d'expliquer au réalisateur, puisque l'enseignant n'a soit pas les compétences, soit pas le temps, parfois les deux, on doit expliquer au réalisateur, chercher avec lui quel est le rapport musique-image qui va être pertinent pour son film, ou bien ça peut être carrément l'organisation de l'année, c'est-à-dire ouais. Qu'on va devoir dire à telle date... moi, je dois avoir une animatique finie. Ça doit plus changer en termes de montage. À telle date, on va enregistrer. À telle date, on va mixer. À telle date, on va faire le mixage du film. Et parfois, ça structure l'année de l'étudiant. C'est pas quelque chose que j'ai calculé. Ça s'est trouvé comme ça parce que. Donc, en caricaturant, parce qu'évidemment, tout n'est pas comme ça, mais en gros, c'est où. Le son et en général d'ailleurs, que ça soit le musicien, les voix, etc. et la cinquième roue du carrosse, en fait on l'a fait au dernier moment et c'est un petit peu l'angoisse de dire il faut vite se dépêcher, ou alors le musicien est carrément obligé de faire presque de la, comme tu dis, de la pédagogie en amont si possible, de manière à pouvoir... C'est assez difficile de généraliser parce que moi, là, je donne l'expérience que j'ai eue au contact de diverses écoles et à la fin... pour tout dire, il y a une seule école avec laquelle j'ai eu un contact pédagogique, c'est les Gobelins. C'est-à-dire c'est la seule école avec laquelle, quand les réalisateurs m'ont demandé de faire la musique du court-métrage, j'ai eu un rendez-vous avec leur enseignante, j'ai eu un rendez-vous avec leur prof de son, et on a eu une discussion en amont sur tous les autres films. Tous. Je n'ai eu aucun contact pédagogique. Direct. Ça, uniquement avec les élèves. Uniquement avec les élèves, oui. Mais très souvent, la direction pédagogique dit aux étudiants, débrouillez-vous. La musique, débrouillez-vous. Vous devez nous amener une musique. Si vous avez besoin d'une musique, c'est sur votre budget ou vous devez vous débrouiller pour avoir les droits. Ça ne nous regarde pas. Je trouve qu'il y a une image assez déplorable à donner à des étudiants réalisateurs qui vont peut-être dans 6 mois, dans 1 an retravailler avec de la musique, avec un compositeur et je comprends pas trop quel est l'intérêt pédagogique de travailler de cette manière. Enfin moi ça me fait peur. On va s'arrêter sur cette peur, on va faire une pause musicale. Alors, encore une fois, dans le... on va essayer de trouver. Normalement, là, il devrait y avoir... même sur ma feuille, j'arrive pas sûr. Peut-être la piste 3 qu'on enchaînerait avec ce dont j'ai dit, les 5, c'est-à-dire on va écouter un petit peu. Donc la piste 3 qui devrait être normalement, parce que si vous écoutez pas une fois par semaine Nina Simone, c'est pas bien. Donc c'est Nina Simone, Silly Line Woman normalement. Et après, vous allez entendre plusieurs extraits qui font à peu près 45 secondes, une minute de musique de Mathieu. Dure concurrence. Merci Alexis. On va essayer de lancer ça, Nicolas. Wow, magique. Yeah. All right. Yeah. Do-do-do. All right. She lie moon. She drink coffee. She drink tea and then go home. She lie woman. She lie moon. Dressed in green, wear silk stockings with golden seams. Sea lion woman, sea lion woman. Dressed in red, make a man lose his head. Sea lion woman, sea lion woman. Black dress on for $1,000. She wails and she moans. Sea lion woman, wiggle, wiggle, purr like a cat, wink at a man and he wink back. Now child, sea lion woman, empty his pockets and wreck his days, make him love her and shoot fly away. And she wreck his days, and she make him love her, then she shoot fly away. She got a black dress on for $1,000. She wail and she moan. Sfoggio di pomodori, cassetta di verdura e monte di cibo costituiscono la mia cucina gargantuesca. Gargantua ti faccio un omaggio. Anche tu non sapresti più dove sbattere la testa. I miei serventi controllati dal mio grande appetito, andante a cercare bene al fondo tutto il cibo, andante a cercare l'ingrediente principale. Osservateli come sono appetitosi quando penso che finiranno nel mio piatto. Bambini deliziosi, per me è volentario e ne amano, ma pancia non ne può più di aspettare. Mangiate! Thank you. Donc, toujours Bulle de rêve, l'émission 100% animation sur Radio Libertaire. On a entendu d'abord Nina Simone, Sassy Line Woman, et ensuite on a écouté quatre extraits différents. On a commencé par Al Dente, Love Recipe, La Peste et Sinistra d'Extra. Ça tombe bien parce que c'est le dernier film quasiment dont on a parlé. On va parler des trois autres un peu plus tard, pour savoir comment tu travailles selon les différents, parce qu'il y a vraiment des choses différentes, des thèmes et des genres évidemment complètement différents. Mais ce qui est étonnant quand je regardais, c'est donc on a ces deux de Lansad et après on a plein de choses complètement différentes, qui sont pas forcément d'ailleurs de l'anime, non, l'écart et les secs. C'est deux films. Les Sex, c'est un film en stop motion. D'accord. De Claire Lemoine. L'écart, c'est un film en prise de vue réelle. C'est une fiction de Maxime Sigal. D'accord. Et Misérable Théo. C'est une fiction aussi. D'accord. Donc, autoproduit. Alors comment on passe, et après on va revenir, parce qu'après, par contre, on enchaîne sur énormément de films en animation. Ouais. Il y a ces deux-là qui ont Sinistra d'Extra, notamment, je crois, a eu un petit succès quand même en festival. Ouais. Enfin, il passe quand même en festival. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête à un moment donné ou... Non, du tout. En fait, c'est par des rencontres. À l'époque, je n'avais pas énormément de choses à montrer. Et j'avais quelques-unes à faire écouter. Et j'ai des réalisateurs qui sont passés sur mon site ou, je ne sais pas, qui ont vu que j'avais posté des choses sur des forums, qui m'ont contacté et qui m'ont demandé de travailler sur leur film. Parce qu'au début, on le reprécisera tout à l'heure, évidemment, tout ça, c'est alors, au début, c'est moins embêtant. Quand on est là pour se faire découvrir un peu plus tard, c'est que c'est évidemment bénévole, c'est gratuit, ouais. Tu prends sur ton temps. Bien alors, sûr. Encore une fois, quand on veut se faire connaître au début, ben, c'est comme les stages, comme un peu partout, c'est pas mal à faire. Après, ouais. Surtout qu'au départ, les films d'étudiants sont là, évidemment, pour... voilà, c'est juste des choses qui, normalement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, n'étaient là que pour donner, en fait, le... comme tu disais, ou un CV, on va dire une carte un peu CV, et surtout pour donner le diplôme. Oui. À l'étudiant. Comment ça se passe? Parce qu'il y a 2005, on a les deux de Lansad, et en fait, un an après, il y a déjà Paris 8 ATI, oui. Qui fait surtout donc de la synthèse, hein, qui fait surtout des images de synthèse. Et est-ce que... Non, Superinfocom vient en 2007, hein, c'est oui. Un an après. Donc déjà, c'est des gens d'ATI qui te contactent? Oui, mais à chaque fois, c'est des gens qui m'envoient des mails, qui m'appellent. Avant, j'avais mis mon numéro de téléphone sur mon site, puis finalement, je l'ai enlevé. Mais oui, c'est des gens qui me contactent comme ça, qui ont vu les projets. Il faut savoir quand même que certaines écoles, je sais que ça se fait à Superinfocom, projettent les films d'étudiants à leurs étudiants, les films d'autres écoles. Mais parfois des films de fiction. Les réalisateurs d'Al Dente, par exemple, avaient vu le film comme une étoile qui est en prise de vue réelle de l'écart de Maxime Sigal. Et voilà, donc je sais pas, je pense que c'est comme ça aussi qu'ils voient le nom des compositeurs, qu'ils se disent, ah tiens, celui-là, ça me plaît ce qu'il fait, j'aimerais bien qu'il travaille sur mon film. Alors là, on est dans un moment donné, tu commences à faire quand même, tu as commencé à faire quand même plusieurs films. Oui. Il y a Paris 8 ATI pour rester sur l'animation, oui. Qui est encore particulier, Lansad. Oui. Créer ce qu'on appelle un peu les auteurs, même si plein ne vont pas aller dans le court-métrage d'auteur par la suite, mais en tout cas, chacun fait ce qui lui plaît un peu. Mm-hmm. Là, on est surtout dans une section de l'école qui est presque débutante. Lansad, ça fait partie des vieilles écoles, on va dire, d'animation. Paris 8 ATI, c'est quoi, 4-5 ans qui sont réellement sur le... J'en ai aucune idée. Ah, en fait, je n'ai même pas été à Paris 8 ATI. Je connais même pas les locaux. Ce que je peux comprendre, paraît-il. Alors, c'est très étonnant parce que moi, j'ai fait Paris 8 il y a longtemps. Et paraît-il que c'est des locaux, justement, là, qui sont fermés à double tour. Ils ont plein d'ordi. Donc, c'est un petit peu, ils sont un peu à part, on va dire, dans ce milieu-là. Mais ils débutent. Donc, c'est vrai que les premiers, notamment, étaient un petit peu plus. D'accord. Bancal, on va dire, au niveau de l'anime, évidemment, ce qui est un peu normal. Franchement, t'abordes ça, je sais que ça peut paraître d'une évidence peut-être pour un musicien et même pour des gens qui écoutent en disant mais pourquoi il raconte, mais on aborde ça de la même manière, c'est-à-dire il y a des thèmes qui sont souvent assez forts chez Lansad par exemple, alors que par exemple, c'est pas que c'est pas fort à TI, mais ça va être plus dans le graphisme, c'est plus technique. Hein, oui. C'est plus technique. Oui, à partir du moment où il y a un besoin de musique, moi j'essaye surtout de discuter avec le réalisateur, de le rencontrer et de comprendre quel est son film en fait. Et souvent, on se rend compte que s'il y a un problème sur la musique, c'est que le réalisateur ne sait pas quel film il est en train de faire. Il n'y a pas besoin que... Ça peut jamais venir de musicien ? Si, bien sûr. Bien sûr. Mais il n'est pas important que le réalisateur connaisse les termes musico-techniques. Ça, c'est souvent quelque chose que les réalisateurs me disent en premier. Alors, tu sais, je comprends rien à la musique, j'y connais rien, je peux pas t'expliquer. Je leur dis toujours, j'en ai pas besoin. La technique de la musique, c'est moi. Je m'en occupe. Toi, explique-moi quel film tu es en train de faire. Est-ce que tu as des références ? Faut pas hésiter à me le dire. S'il y a des références musicales qui t'intéressent, s'il y a des références de films qui t'intéressent, ça me permet de comprendre ce que tu veux. Après, moi, j'adapte ça à ma sauce, avec ce qu'on va pouvoir faire. Mais vas-y, lâche-toi. Si là, la musique de tes rêves pour ton film, qu'est-ce que c'est ? Et donc, c'est comme ça, en fait. Ça me paraît surprenant. Il y a des réalisateurs qui t'appellent et qui n'ont aucune référence, enfin qui n'ont rien, qui disent « je veux juste de la musique ». Oui, alors je ne sais pas. en tout cas, avec Maxime Causeret, donc de Paris 8 ATI, les deux films sur lesquels j'ai travaillé, il m'a dit « en gros, t'as carte blanche, tu fais ce que tu veux ». Ce qui arrive rarement, ce qui est intéressant aussi. Hein, ce qui est différent, parce que fais ce que tu veux, la rigueur, c'est peut-être faire confiance. Oui. Écouter, aller sur le site, comme tu dis, écouter, puis dire bon, ça me plaît bien ce qu'il fait de toute façon, voilà. Vous discutez ensemble, peut-être un bon feeling ou quoi. Alors que peut-être l'inquiétude de se dire, enfin, ou même la personne qui dit moi, il me faut de la musique, enfin, je suis technicien avant tout, il me faut de la musique dessus, tu me balances n'importe quelle musique. Moi, c'était ça, je me disais, est-ce que quelqu'un. Non, alors dans ce sens-là, non. Si Maxime m'a donné carte blanche, je pense que c'est d'abord parce qu'il avait confiance. Oui. Et j'ai lu hier soir sur une interview sur Internet qu'en fait, il voulait surtout que je me fasse plaisir. ce qui a été le cas, ce qui a été le cas, et c'est très très gentil à lui, surtout qu'il fait des très belles images, très beaux films, et donc c'est vrai que je me suis fait très plaisir. Maintenant, ça me dérange pas du tout les contraintes, au contraire, au moins je sais précisément où je peux aller, et, voilà, quitte à dire non, là, ce que vous voulez, là, je peux pas le faire, mais ça. Je ne crois pas que ça se soit produit. Enfin, on ne m'a pas demandé quelque chose de. Voilà, ça ne s'est pas présenté, en fait. Alors, j'allais dire pour l'instant, ça va, parce que quand je regarde un petit peu, la plupart des films que je connais, en anime, il y a beaucoup de styles différents. Oui. Est-ce qu'il y a des fois où on se dit. Non, là, je ne peux pas le faire. C'est un style qui est tellement éloigné non. de moi ou... Non, au contraire... je pense qu'on essaie toujours de rapprocher de soi quelque chose qui est même a priori éloigné. Al Dente, par exemple, quand ils m'ont contacté, et qu'on est parti sur l'opéra italien, j'avoue que je n'y connaissais pas grand-chose. Donc, je me suis un peu plongé dedans. J'ai regardé les partitions, comment c'était fait pour le faire. Mais justement, à chaque fois, c'est une aventure et ça nous force à aller ailleurs. C'est ça qui est passionnant. Et je dois avouer que j'ai eu énormément de chance. Je suis verni parce que chaque film, à chaque fois, on m'a proposé une aventure dingue. Et j'ai eu la chance d'avoir une équipe derrière de musiciens, d'ingénieurs du son. Je ne peux pas passer sous silence Benoît Navarré qui me suit depuis le premier film et qui fait un travail formidable à chaque fois. Ça, c'est génial. On a des... Comment dire ? Quand on voit un style cartoon, quand on va voir un style, quand on regarde, même si ça veut rien dire, j'aime pas toujours dire ce genre de choses, mais Al Dente, qui a un côté un petit peu plus cartoon, La Peste, hein, ou La Peste, par contre, voilà, au niveau des contrastes, au niveau qui est beaucoup plus dur, enfin qui est beaucoup plus noir, évidemment, le genre de nom qu'on n'arrive jamais à prononcer, Tokoloshe, qui est plus un peu horreur, mais qui a un graphisme aussi, un peu plus à la Predator, on va dire, dans le personnage, etc. Enfin, Still Life qui est là, par contre, plus dans le pas dans l'expérimental, mais en tout cas dans quelque l'abstrait. Chose de, dans l'abstrait, merci. Est-ce que quand on regarde un film, on regarde déjà les premières ébauches ou les premières images et on se dit, ah, avant même que le réalisateur nous dise, ben, j'ai envie d'aller vers là, est-ce qu'on a une idée de style musical ? Alors, ça dépend de comment le film est présenté. Pour Still Life, par exemple, le film était fini à 95%. Je me rappellerai toujours, d'ailleurs, Mathieu m'avait envoyé un petit mail. Mathieu Gérard, donc le réalisateur, m'avait envoyé un petit mail un samedi soir, je me rappelle, et il m'avait marqué proposition de collaboration. Et il m'envoie ce film avec des images qui sont à tombé par terre et j'ai presque eu envie de lui renvoyer un mail en lui disant tu veux que je me coupe le bras pour faire ton film parce que là je suis prêt à le faire. Et c'était extraordinaire, un film comme ça c'est un cadeau. Ça a mis une pression énorme d'ailleurs parce qu'en m'envoyant ce film, j'ai rien pu composer pendant 4 mois. Il me l'a envoyé mais j'osais pas parce que je me disais tu n'arriveras jamais à faire quelque chose qui va être à la hauteur des images qui te donne. Donc ça m'a bloqué. En fait, c'est le stress. Au bout d'un moment, j'étais à 15 jours de l'enregistrement et je me suis dit, bon là, il va falloir que je fasse quelque chose parce que dans 15 jours, il y a des musiciens, il va falloir mettre des partitions sur leur pupitre. On va enregistrer, donc faut y aller là. Même si c'est pas du niveau des images, faut composer quelque chose. Alors, Al Dente, c'est une histoire un peu différente parce que là, pour le coup, j'étais présent dès la pré-production du film. Il n'y avait même pas d'animatique 2D. Ils n'avaient pas voulu me la montrer, d'ailleurs. Ils avaient fait des recherches graphiques. Et là, ce qui était très intéressant, ça a été de suivre toute l'évolution du film. C'était fabuleux. J'avais beaucoup insisté pour qu'on se voit. On s'est rencontrés 3-4 fois avant l'enregistrement. Et c'est au cours de ces échanges qu'on a eu l'idée de faire chanter l'ogre, ce qui n'était pas le cas à l'origine. Donc j'ai toujours cette idée-là, quand je dois travailler sur un film, de rencontrer absolument les réalisateurs et de ne pas travailler uniquement par Internet, par échange de mails. Je ne sais pas qui c'est la personne en face de moi, je ne sais pas ce qu'elle veut, je ne connais pas son univers. Qu'est-ce qu'elle aime ? Est-ce qu'elle aime plutôt Miyazaki, plutôt Disney, plutôt des films expérimentaux ? J'en ai aucune idée, j'ai besoin de rencontrer. Et avec Al Dente, je comprenais, au début je me pensais à quelque chose, une histoire beaucoup plus sombre. Et en fait, en discutant avec eux, j'ai compris où ils voulaient aller. Mais ça n'aurait pas été possible sans les rencontrer. Donc, j'ai dévié sur ta question. Non, pas du tout, mais c'est pas grave, il faut dévier sur les questions. Les questions sont faites pour justement... Non, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, au début je pensais, mais en fait, Il y a quand même deux manières de travailler. Enfin, ce qui paraît d'une évidence totale, il y a deux manières de travailler. Mmh. C'est que faut peut-être mieux, si on te veut travailler avec toi, donc travailler dès le début, sans te montrer trop d'images. Si on te montre trop d'images et si elles sont trop belles, t'as du mal à écrire dessus. Et... Oui. Oui, en fait, il n'y a pas de méthode parfaite, je pense. J'aime bien être là dès le début, mais je compose rien. J'ai rien composé sur Al Dente. Dès le début, j'avais besoin d'avoir une animatique parce que j'ai besoin d'avoir un rythme, j'ai besoin de connaître le montage à peu près, qu'il y ait des choses assez précises déjà, et puis que ce soit clair dans la tête des réalisateurs. Parce qu'au début, ils ont plein d'envie, et puis on ne sait pas, on a besoin quand même d'avoir les images. Par contre, dès que j'ai une animatique, oui, je peux commencer à travailler et à faire quelque chose. Mais on peut laisser aussi plusieurs mois passer avant d'écrire et juste discuter. Je peux discuter beaucoup. Ouais. Je suis très bavard. C'est très important. Donc oui, c'est très important. Puis c'est de voir un être humain. Voilà, c'est un réalisateur et qu'est-ce qu'il veut ? C'est quoi son envie ? Ouais, sauf que il y a une autre question. C'est quand on regarde, en effet, on voit donc un paraît ATI. J'arriverai ouais. Paris 8 ATI. J'arriverai jamais à dire ce nom. Je ne sais pas pourquoi. Lillois. Ouais. Donc ça c'est un. À La Réunion, c'est ça, non ? Oui, c'est ça, hein ? Ouais. L'ANSAD, donc voilà. Et évidemment, parce que c'est un nom qui est connu maintenant, c'est une école qui est connue, on voit Supinfocom. Et Supinfocom, c'est pas un, c'est 4 réalisateurs par film. Parfois 5. Parfois 5, comment on travaille avec... C'est bien, là on oui. discutait beaucoup par contre, tout, mais il oui, y en a fait. Un qui dit « on veut ça » ou comment ça, ça dépend, se passe ? Ça dépend, parfois sur Al Dente ils étaient 2, sur Love Recipe j'étais en contact avec 2 mais en alternance. Ça varie suivant les groupes, avec La Peste j'étais plutôt en contact avec 1. Ce qui est, là il faut les forcer à leur dire « est-ce que vous faites le même film là ?» Et c'est pas toujours le cas. Ouais. Et encore une fois, Al Dente, ils savaient où ils allaient. Ça a été un bonheur dès le début. Love Recipe, j'ai juste eu pas énormément de temps. Ils avaient des problèmes au niveau du scénario. Le scénario s'est décidé très très tard. Mais ça a été très agréable de travailler avec eux parce que justement, c'est passé, mais comme une lettre à la poste. C'est tous les jours, je leur envoyais 15 secondes de maquette, de musique, pendant 15 jours, et bam, on a eu le film, la musique. Ils m'ont juste demandé de rajouter un petit peu de musique à certains endroits. Voilà, ça dépend en fait des groupes. les groupes sont formés d'une certaine manière dans ces deux écoles, les deux écoles de Supinfocom. Et parfois, il y a des heureux mariages et parfois, non. Et souvent, quand le mariage n'est pas heureux, le compositeur en fait les frais. Ouais, c'est le, ouais. l'un des premiers, puisque je suppose le film ouais. en fait. Mais oui, c'est ça, c'est la difficulté finalement de trouver, surtout qu'à enfin, cet âge-là, ça fait un peu ouais. vieux qu'il y a cet âge-là. Mais j'étais jury il y a encore pas longtemps, j'étais ouais. dans une école, et c'est vrai qu'il est souvent des fois difficile pour quatre étudiants de travailler ensemble. Et j'irais même un peu plus loin. En fait, c'est vrai qu'on a, ils ont à côté des fois l'ego, évidemment. On n'a pas envie de lâcher. On a toujours un peu peur de lâcher quelque chose par rapport à l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Je pense qu'il y a, quand on est plusieurs à travailler sur le même film, peut-être qu'on dit des choses, on se dit on va faire comme ça. Et puis finalement, il arrive un moment où dans le groupe, il y en a qui veulent aller dans une direction plutôt que dans l'autre, et ils s'en aperçoivent peut-être tard. Hein, effectivement, le film peut en pâtir, du coup, il peut accumuler du retard et tous les problèmes que ça peut entraîner par la suite. Ça arrive, oui. Ouais. Ouais, d'avoir des. Je t'écoutais et d'un seul coup j'ai perdu ma question. Ça m'arrive de temps à autre parce que j'écoutais parce que je me disais justement je parle au jury et je trouvais qu'en plus ça c'est l'un de mes grands, donc les gens qui me connaissent vont se dire oui il nous ressort encore la même chose, mais c'est parce que je me rends compte, et à Supinfocom est assez vrai parce qu'il y a beaucoup plus de garçons. Moi je suis dans une école où il y a beaucoup plus et je trouve que les filles à cet âge-là, en tout cas, après je sais pas, mais à cet âge-là sont plus matures et savent un peu plus dans quelle direction aller. Et c'est vrai que quand je vois, quand tu me dis Marion, par exemple, Stéphanie, qui disait, voilà, je veux ça, et même si tu n'étais pas forcément d'accord, en disant, bah tiens, je veux rajouter de la musique à la fin, moi. Mais la preuve, elle l'a fait quand même. C'est-à-dire qu'elle savait ce qu'elle voulait, même si peut-être elle s'est peut-être plantée. Ça fonctionnait. Mais au moins, voilà, il y a cette volonté. Alors que c'est vrai que souvent, quand il y a que des. Quand c'est un garçon, il n'y a que des garçons, souvent, peut-être moins de. Je sais pas, par exemple, le film La Peste est assez, assez dur. Il me paraît assez mature dans l'histoire, dans le scénario. Il n'est pas du tout évident à. Je parle à de avoir. La mère, pardon. Oui. Excuse-moi, je te coupe. C'est quatre garçons. Hein. Ça se fait surtout pas de couper son invité, c'est terrible. Non, c'était juste que. Je parlais de la manière de travailler, hein. Pas dans le film lui-même. C'est pour ça que je voulais te. C'est que souvent, j'avais l'impression qu'il y avait plus de savoir où on veut aller, peut-être moins de dissension, ou en tout cas, peut-être. Honnêtement, je t'avoue, j'ai jamais réfléchi. Enfin, les interviews que j'ai faites vont un peu dans ce sens-là, où j'ai toujours l'impression que. Honnêtement, j'y ai jamais réfléchi. Bon, bah voilà, comme ça, ce sera encore mes obsessions. Les gens pourront dire ça. Quand on travaille avec Supinfocom, je reviens sur Supinfocom parce que c'est vrai que c'est l'école, une école les plus connues aujourd'hui. Ça veut dire beaucoup de festivals. C'est-à-dire que les films tournent pas mal en festival. C'est-à-dire que plus de coups de téléphone, enfin plus de coups de téléphone maintenant, mais plus de. Aucun. Non, rien. Rien. L'INSAD, je crois qu'il y a eu plus de sélections pour les films que j'ai fait pour l'INSAD que ceux pour Supinfocom. Mais. Non, pas de coup de fil, honnêtement. J'ai d'ailleurs eu un directeur pédagogique qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, mais c'est bien de travailler pour un film de notre école. On a, tu dois avoir, ça le fait quoi, sur le CV, et puis tu dois avoir des offres. J'ai rien. Parce que en tout cas, quand on m'appelle pas parce qu'on a vu des films de ton école. C'est fou ça, parce que c'est vrai qu'on a, on a cette impression-là. Enfin, moi, d'un seul coup, je me dis, ah, voilà. C'est intéressant, parce qu'une fausse impression de se dire « Ah ben ça y est, maintenant il bosse pour Supinfocom, là ça y est, ça commence à sûrement à tourner un peu plus pour lui. » Non, pas forcément. Enfin, j'ai pas cette sensation-là. Juste depuis que Mathieu Gérard a mis Still Life en ligne, là c'est vrai que je reçois, par contre, j'ai reçu pas mal de propositions. Mais c'est Still Life, il y a que de la musique et des images, et du coup on est forcément... la musique attire forcément l'attention. Je pensais que ce serait le cas avec Al Dente, où la musique est très mise en avant. J'ai appris par la suite que des gens pensaient qu'en fait j'avais repris un air d'opéra connu et qu'on avait mis des paroles à nous. Ce qui n'est pas le cas. En fait, on a vraiment essayé de faire quelque chose qui ressemble à de l'opéra. Mais déjà, si vous écoutez, s'il y a des italiophiles, ils s'amuseront avec les paroles. Mais non, on l'a créé entièrement. C'est une vraie composition. Comment on travaille? T'as commencé, en fait, quand on regarde le début de ta de la carrière. Ouais. C'est plutôt avec un quatuor qui s'appelle Eolia. Oui. Ensuite, je travaille toujours avec elle. D'accord. Oui. Et ensuite, parce qu'il y a les compositions pour orchestre, on a entendu tout à l'heure, la peste qu'on a entendue est plutôt, et donc fait uniquement sur tout seul, c'est ça, tu le fais La peste, non, il y avait des musiciens. Et on a mélangé des sons un peu étranges avec des vrais musiciens. Alors ça, c'était un parti pris dès le départ. Mon objectif, ça a toujours été d'enregistrer avec des musiciens. Donc dès le premier court-métrage, je suis allé voir des étudiants instrumentistes et je leur ai dit, voilà, est-ce que ça vous intéresserait de venir, on va enregistrer, ça va durer 3 heures. Et j'en ai eu qui ont dit oui, donc... Voilà, on a enregistré, puis la fois suivante, il en fallait un petit peu plus, donc voilà, et on arrive à des orchestres de 50 musiciens, le plus gros ayant été Tokoloshi, je crois qu'il y avait 55 musiciens, 30 choristes, plus quelques solistes, et ça a été, le défi, ça a été d'intégrer tout ça, il y avait aussi du sound design, il y avait des fausses percus, il y avait des vrais percus, il a fallu tout mélanger, enfin, arriver à un mixage harmonieux, ça a été le plus difficile, et sûrement une des choses dont je suis plus fier, ouais, parce que... c'était formidable. Il y a une partie là, cette petite diable qui sort pour poser la question un peu. Il y a une partie peut-être défi à des moments donnés ou pas en disant tiens, je veux faire. Chaque court-métrage est un défi. Mais est-ce qu'on réussit quand même dans ce cas-là à rester entre guillemets fidèle au film et est-ce qu'on se dit pas, parce que là quand tu dis d'un seul coup il y a 55 musiciens, on dit tiens, le prochain il faudrait que j'ai 70 musiciens. Non, parce que en fait, j'ai alterné après Al Dente et Les Pirates du Pélican que j'ai enregistré dans la même séance. Il y avait un film, il y avait besoin que d'un piano. Enfin, je pensais qu'il y avait besoin que d'un piano, donc j'ai enregistré un piano. La fois suivante, il fallait une petite formation de jazz, donc on a enregistré une petite formation de jazz. Et puis ensuite, il fallait quelque chose de beaucoup plus gros, notamment pour Still Life et Tokoloshi, qui, en accord avec les réalisateurs évidemment, nécessitait quelque chose de plus ample, de plus large. Donc voilà, non, j'impose pas un orchestre si je pense qu'il n'y en a pas besoin, si les réalisateurs pensent qu'il n'y en a pas besoin. Les réalisateurs, évidemment, participent. Hein, interviennent, hein. Je leur colle pas un orchestre comme ça en leur disant non, j'ai décidé que ce sera un orchestre. Non. L'ego réussit à se taire un peu. C'est pas une question d'ego, je pense, à partir du moment où moi j'arrive à enregistrer des vrais musiciens, je suis très heureux. Soit un quatuor, un orchestre. Soyons clairs, si je dis ego, en effet, on pourrait croire que c'est une question un peu. C'est juste que c'est vrai qu'on va revenir juste après sur ça. C'est l'idée aussi de se dire, on l'a déjà dit, c'est-à-dire que c'est gratuit, ça c'est bénévole. Oui, et te dire peut-être à un moment donné aussi, toi ça te sert à un moment donné de carte aussi, regardez ce que j'ai fait, regardez ce que je suis. Capable de faire. Ouais. C'est pour ça, l'ego était le mauvais terme, mais c'est l'idée de se dire, ben voilà, ça va me servir aussi après tout. Oui, non, en ça fait. Ça peut les servir aussi. Oui, si, tout à fait. Hein. Mais encore une fois, j'ai une chance énorme parce que j'ai eu à chaque film la formation instrumentale qui me semblait correspondre le mieux. Il y a des gens extraordinaires, tous ces musiciens qui sont venus, qui ne sont pas forcément les mêmes en plus d'un enregistrement à l'autre, qui ont dit oui, Mathieu, on va venir, on va passer une journée à s'enfermer avec toi dans une salle d'enregistrement et des ingénieurs du qui m'ont dit oui, Mathieu, on va passer 150 heures à faire les montages. Et 150 heures, je n'exagère pas. Hein. Ouais. C'est vraiment le temps qu'il faut parfois pour faire les montages, pour faire le mixage, pour ensuite mixer le film. Non, je suis un peu fou d'être parti dans ces aventures-là, mais il y a des gens aussi fous que moi qui m'ont suivi. C'est extraordinaire. On a parlé beaucoup de films d'étudiants. Il y a d'autres projets, d'autres choses qui se sont passées peut-être hors film d'étudiant, rester dans l'animation, mais s'il y a de la prise de vue réelle, court-métrage professionnel, voire série ou long-métrage, il y a des... En fait, sur des longs-métrages, oui, je suis intervenu, mais à des postes assez techniques. Soit time tracker. Alors, le time tracker, c'est une fois que le film est monté, il arrive qu'on ait besoin de musique pour montrer le film aux chaînes de télévision, aux diffuseurs, aux éventuels acheteurs, et puis parfois pour guider le compositeur. Parce que parfois, le réalisateur n'arrive pas à expliquer au compositeur ce qu'il veut, et donc il y a besoin d'une personne qui va placer de la musique préexistante sur des images, donc généralement tirées d'autres films, mais pas seulement. Mmh. Et on essaye de passer comme ça. Donc j'ai assisté des time trackers sur quelques longs métrages. J'ai aussi fait du travail de copie. La copie, en fait, ça consiste à préparer tout le matériel pour les orchestres quand il y a un enregistrement. Voilà. Et puis là, très récemment, j'ai eu la chance de travailler avec mon compère Laurent Juillet comme orchestrateur de Christophe Héral pour un long métrage d'animation qui va sortir à la fin de l'année, qui s'appelle Kiriti, la maison des contes, de Dominique Montferry. Et c'est tout chaud parce que l'enregistrement s'est fini hier. Voilà. On travaille, c'est des gens qu'on rencontre assez facilement dans les, parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas non plus, vous êtes pas super présent dans les festivals d'animation. Non, mais en même temps, qu'est-ce qu'on ferait? Je sais pas, il y a pas de prix pour la musique hein, en général, tu sais. Création sonore à Clermont. Oui, mais il y a pas que de l'animation. Voilà, mais il y a quelque chose pour la musique à Annecy? Non. Il manque plein de choses à Annecy. Rien que le festival de Cannes qui s'est déroulé il y a 10 jours, il n'y a jamais eu de palme pour la musique, enfin de récompense pour la musique, il n'y en aura jamais, je pense. Il n'y a jamais eu même un... Pas à ma connaissance. Non, c'est fou, ça. Bah, on est en France. Ok. Est-ce qu'on fait une petite pause ou est-ce qu'on avance directement sur le début du débat? On va peut-être faire une pause pour reprendre un petit peu son... Alors, 1, 2, 3, 4. peut-être la piste 7. C'est ça. On va commencer à écouter comme d'habitude. Je crois que c'est ça, c'est les cornichons version japonaise. Chanson Nino Ferrer, on écoute.